Le Soudan est un état déstabilisé par nature. La nature. Et la question du Darfour. Mais il y a maintenant l'indépendance, le Soudan du Sud. Attention, le Soudan du Sud. C'est-à-dire que c'est un état qui est déjà déstabilisé. C'est pour ça que les grilles d'analyse qui n'intègrent pas tout ce que nous disons ici font rire, font rire. En même temps, quand vous regardez l'information qui circule sur l'enjeu soudanais, ça fait pitié. Les occidentaux font le plus, dominent l'information. Les récits sur la question sont les récits de qui? France 24, RFI, tous ces machins, donc pas CNN. Or, ce sont, quand vous lisez ça, vous n'allez rien apprendre. Parce qu'ils vous font ce qu'on appelle le présentisme. Ils décrivent les effets que le commandant, là, le général, le numéro 2 a dit que je contrôle l'aéroport. Non, je contrôle l'aéroport. L'autre a démenti. Bon, il y a 59 morts. Frappe aérienne ici. C'est-à-dire un anecdotisme le plus sensationnel qui fait l'impasse sur les vrais enjeux de la média. Le monde, c'est nous.